L'honnêteté de Soniri. Il y a longtemps de cela, un vieux roi plein de sagesse gouvernait un petit royaume. Ses citoyens étaient heureux, mais il était triste car il n'avait pas d'enfant. Il voulait comme successeur une personne bonne et honnête. Ses ministres voulaient tous lui recommander leurs enfants, cousins et neveux. Mais comment le roi pouvait-il s'assurer que tel garçon ou telle fille méritât cette noble position? Il se demandait comment faire. Un jour, il eut une idée. Il invita tous les enfants du royaume dans son palais et donna à chacun d'eux quelques semences. Puis, il leur dit « Plantez ces graines et prenez-en bien soin. Celui ou celle qui obtiendra les plus belles fleurs deviendra mon fils ou ma fille. » Les enfants s'empressèrent de rentrer chez eux. Ils plantèrent les semences dans un pot avec de la bonne terre et ils s'en occupèrent bien. Nombreux étaient ceux qui se voyaient déjà princes ou princesses dans le luxueux palais. Soniri, l'un des garçons, voulait à tout prix réussir. Chaque jour, matin et soir, il arrosait soigneusement les semences. Il consacrait à ce travail tout son temps et tout son cœur. À chaque instant, il guettait le premier germe, la première petite fleur, feuille, mais en vain. Une semaine, 10 jours passèrent, mais dans le pot toujours rien. Soniri courut en pleurant vers sa mère, mais elle non plus ne savait pas quoi faire. Il essaya de transplanter les semences, mais toujours sans résultat. Enfin, arriva le jour où le roi devait se rendre en ville pour admirer les fleurs. Dès l'aube, les enfants, vêtus de leur costume de fête, se rassemblèrent dans la rue menant au palais. Tous attendaient avec émotion de voir quelle plante aurait l'honneur de plaire le plus au roi et lequel d'entre eux deviendrait son fils ou sa fille. Le roi marchait en tête d'un cortège de hauts dignitaires. Il regardait attentivement les fleurs qui, de chaque côté de la rue, formaient une allée multicolore. Toutes sortes de fleurs, des roses, des tulipes, etc. Quel admirable spectacle, quel parfum! Regardez, noble souverain, cette fleur n'est-elle pas magnifique? S'exclamaient les conseillers et ministres. Mais le visage du roi était fermé. Il passait devant les belles fleurs sans y prêter attention. Tout à coup, tout au bout de la rue, il vit un garçon assis sur le seuil d'une maison qui pleurait. Il tenait sur ses genoux un pot de fleurs, rempli de terre, mais dépourvu de fleurs. C'était Soniri. « Pourquoi pleures-tu? Et comment se fait-il que ton pot soit vide ?» interrogea le souverain d'un ton sévère. Soniri raconta comment il s'était efforcé d'obtenir de belles fleurs, mais en vain. Pas une seule pousse n'avait germé des précieuses semences royales. Peut-être le ciel l'avait-il puni d'avoir cueilli l'autre jour en cachette des pommes dans le jardin du voisin? Pendant que Soniri parlait, le visage du roi s'était soudain éclairé. Puis il serra le garçon contre son cœur et proclama d'un air radieux « Dans tout le royaume, il n'est pas de garçon plus honnête que Soniri. Lui seul mérite de devenir mon fils et successeur. » La foule était mécontente. « Comment cela ? Adopter justement le garçon qui n'a même pas été capable de faire pousser une seule fleur et n'a porté qu'un pot vide ? Écoutez-moi, bonnes gens, s'écria le roi, et vous me donnerez raison. Avant de distribuer les semences de fleurs aux enfants, je les ai cuites. » Les dignitaires et le peuple comprirent l'idée du roi. Les enfants aux fleurs multicolores baissèrent les yeux. En effet, eux non plus, tout d'abord n'avaient pas réussi à faire germer les semences. Mais dans leur désir de devenir prince ou princesse, ils avaient triché et échangé secrètement les graines stériles contre d'autres.